Francisco Douiman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 17 juin 2019. Voici les grands titres de cette édition. Le président du Parti Congrès National pour la Liberté, CNL, réclame des sanctions exemplaires aux auteurs de l'incendie la nuit de samedi à dimanche de la permanence provinciale de ce parti érigé en commune à Nyabirawa. C'est dans la province Bujumbura. Agathon Rwasa s'y est rendu hier après-midi. Les militants de son parti lui ont dit qu'ils étaient préoccupés par l'intolérance politique qui prend de l'ampleur aujourd'hui. Reportage à suivre dans cette édition. Alors que les habitants de Mouvoné en commune Wouterere se plaignent du manque d'électricité dans ce quartier, le directeur général de la régie des eaux reconnaît le retard dans l'électrification de certains nouveaux quartiers, mais explique que ce retard est dû au processus de viabilisation dans lequel la régie des eaux n'est pas souvent associée. Vous l'entendrez. Et plus de 140 000 enfants de moins de 5 ans et plus de 170 000 femmes enceintes sont attendues pour la semaine santé mère enfant qui commence ce mardi. Cette campagne se termine vendredi prochain. Plus de 2400 militaires, candidats sous-officiers et militaires de rang, toutes catégories confondues, ont été définitivement incorporés dans la Force de défense nationale du Burundi ce lundi. Voilà pour la charpente. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonjour. Sécurité ou plutôt insécurité pour ouvrir ce journal. Les habitants de la sous-colline Mugirigiri sur la colline Gihungwe ont passé la nuit de ce dimanche à lundi dans une peur panique suite au coup de feu et explosion de grenades entendues dans cette localité. Là, on est en province Bubanza, c'était vers 1h du matin. Aucun dégât n'a été enregistré. Des sources proches de cette localité disent également que des cultivateurs qui faisaient l'irrigation des champs ont rencontré un homme qu'ils n'ont pas pu identifier et qui leur a dépouillé de tous les téléphones qu'ils avaient. Les forces de l'ordre disent avoir déjà commencé les enquêtes. Certains habitants du quartier Mouvoné de la zone Wouterere au nord de Bujumbura se plaignent du manque d'électricité dans ce quartier. Ces habitants disent ne pas comprendre comment des quartiers environnants ont de l'électricité, sauf le leur. Ils indiquent qu'ils ont déjà soumis cette demande à la régie des eaux, mais en vain, et d'ajouter que la régie des eaux leur a promis un transformateur. Le manque d'électricité dans ce quartier est un défi à leur développement, soulignent ces habitants. Et la régie de distribution de l'eau et d'électricité reconnaît le retard dans le raccordement en électricité de certains nouveaux quartiers de la capitale Bujumbura. Selon le directeur général de la régie des eaux, ce retard est dû au processus de viabilisation auquel la régie des eaux n'est pas souvent associée. Simeon Habonimana rassure, des études sont en cours pour corriger les irrégularités constatées et remplacer également les réseaux électriques vétustes. Simeon Habonimana, le directeur général de la régie des eaux, a été joint au téléphone par Placide Niyomongere. Le problème qui se pose, c'est que quand on aménage ces quartiers, la certaine sont des quartiers qui naissent sans planification préétablie. D'autres fois aussi, le rythme de viabilisation n'avance pas avec la régie des eaux pour pouvoir planifier ensemble et définir les besoins en termes d'infrastructures électriques et d'eau potable. C'est pour cela qu'il y a retard. Il y a aussi un problème de budget. Et nous sommes en train de déployer tous les efforts pour qu'on puisse venir aux besoins en termes de distribution. La régie des eaux, le ministère de l'énergie, affirme que l'électricité qui est produite au Burundi n'est pas consommée à 100%. N'est-ce pas une perte pour la régie des eaux? Nous sommes en train de travailler sur cela. Je vous ai dit qu'il y a des études qui sont en cours. Donc la production est là, mais quand il n'y a pas de consommation, vous comprenez que ça manque à gagner pour la et pour aussi les populations bénéficiaires. Parfois, on a des quartiers au-dessus desquels passent des câblages électriques de la régie des eaux et ces quartiers restent non raccordés. Et qu'est-ce qui se passe? C'est des actions qui sont menées sans planification bien établie. L'étude en cours va permettre de corriger ces imperfections ou ces défauts. Est-ce que ces projets concernent aussi les câblages vétustes de la régie des eaux? Nous avons déjà démarré l'étude pour faire la réhabilitation des eaux de Bujumbura, parallèlement à l'étude de densification des périphéries de Bujumbura et de l'électrification des centres du pays. Je profite de l'occasion pour lancer un appel vibrant aux habitants de la mairie de Bujumbura pour nous aider à traquer le vandalisme qui se fait au niveau des cabines électriques. Les gens attaquent les cabines pendant la nuit et volent le matériel en cuivre. Nous n'avons pas encore reçu la destination, mais lorsque ces incidents arrivent, vous comprenez qu'il y a un manque à gagner pour la NPET, pour la JDSO. Et il y a aussi la coupure d'électricité pour les habitants. Siméon Hawonimana, c'est le directeur général de la Régie des Eaux. Le Burundi va organiser en 2022 un recensement général de l'agriculture et de l'élevage. Celui-ci sera couplé avec, en 2020, celui-ci sera couplé avec le recensement général de la population et de l'habitat. C'est une annonce du directeur général de l'Institut des statistiques Istibou ce lundi, lors de l'ouverture d'un atelier régional sur les directives opérationnelles du programme mondial du recensement de l'agriculture. Atelier qui a vu la participation des experts des pays francophones et lusophones. Nicolas Naïchimier a indiqué que les statistiques agricoles sont d'une grande importance pour établir une politique relative, bien qu'aucune enquête n'ait jamais été réalisée au Burundi. On l'écoute. Je peux dire que la base de sondage qui est utilisée actuellement, c'est la base ici du recensement de la population et de l'habitat de 2008. Et cette base, c'est pas une base spécifique sur pour les enquêtes agricoles. Donc, c'est une base qui mérite d'être améliorée. Raison pour laquelle nous allons faire un recensement général de la population et de l'habitat qui sera couplé à un recensement général de l'agriculture et de l'élevage afin d'avoir une base de sondage exhaustive en ce qui concerne les enquêtes agricoles au Burundi. Cet atelier est d'une grande importance pour les pays francophones d'Afrique et lusophones qui y participent, étant donné que nous allons échanger sur les nouvelles directives d'organisation des recensements agricoles. Nous allons partager nos expériences parce qu'il y a certains pays qui ont déjà commencé à faire les recensements agricoles. Il y a déjà le Sénégal, Capo-Verde qui a déjà fait son recensement agricole. Tous ces pays sont ici présents. Ils vont nous partager leur expérience. Et à partir des ressorts apprises, nous allons nous préparer en conséquence notre prochain recensement de 2022. Qu'est-ce qui motive le fait que le Burundi n'a pas encore fait cela? Ok, un recensement coûte énormément cher. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est peut-être qu'il fallait mobiliser une expertise à la matière. Maintenant, nous pensons qu'au regard de différentes composantes de notre système statistique national, nous pensons que nous sommes outillés maintenant à bien pouvoir amorcer, conduire tout le processus concernant le recensement général de l'agriculture. Donc, il y a l'engagement aussi du pays, parce que le recensement, c'est le pays d'abord qui doit manifester la volonté. Donc, l'engagement du pays est déjà là. Le pays a déjà pris des dispositions pour faire son recensement général de la population et de l'habitat en 2022. Et son recensement sera couplé au recensement général de l'agriculture et de l'élevage. Nicolas Ndayishimiye, directeur général de l'Institut des statistiques et études économiques du Burundi, Istibou. Des cas de personnes qui s'adonnent encore à des coupes illicites d'arbres se remarquent encore en province Mwaro. Le responsable de l'Office burundais pour la protection de l'environnement dans cette province demande à la population de cette province d'adopter un comportement responsable pour éviter la sécheresse. Laurent Dikourio. En province Mwaro, il s'observe encore des cas de personnes qui s'adonnent à des coupes rases d'arbres dans leur boisement privé. Jean Bosco Ndende, qui est responsable de l'OBP en province Mwaro, demande à la population de cette province de demander d'abord la permission aux autorités habilitées avant d'exploiter leur boisement et doit aussi faire des coupes sélectives pour que les collines ne soient pas dénudées. En commune d'Ondava, sur la colline Butazi, ce responsable de l'OBP en province Mwaro dit que des communautés de batois qui sont installées autour d'emboisement domanial situé sur cette colline, ça donne à des coupes illicites d'eucalyptus du boisement. Pour lui, ces communautés devraient être déplacées vers un autre endroit pour que ce boisement ne continue pas à être exploité. D'après le responsable de l'OBP en province Mwaro, comme il a été constaté que les eucalyptus consomment beaucoup d'eau, la population de cette province est sensibilisée pour que de tels arbres situés à moins de 15 mètres des marais soient desséchés. Il précise que cela se fait dans le but d'éviter la désertification. Comme l'on s'approche de la saison sèche, la population de la province Mwaro doit éviter des feux de brousse car ils entraînent la désertification. Il précise que même si de tels cas commençaient à diminuer au cours de l'été de l'année dernière, il y en a ceux qui peuvent continuer à recourir à cette pratique croyant avoir plus d'herbe pour leur bétail. De Mwaro, Randy Kuri, Radio Isanganiro. Et plus de 140 000 enfants de moins de 5 ans et plus de 170 000 femmes enceintes sont attendues pour la semaine santé mère enfant qui commence ce mardi. De l'albendazole et de la vitamine A leur seront administrés, tandis que les enfants de moins de 2 ans seront vaccinés contre la rougeole et la rubéole. Le médecin directeur de la province sanitaire de Bouvanza appelle la population cible à répondre massivement à cette campagne qui se termine ce vendredi. Les détails avec notre correspondant. La semaine santé mère-enfant commence ce mardi avec la campagne de vaccination et de distribution des médicaments contre les verminoses pour les enfants et les femmes enceintes. 143 615 enfants de moins de 5 ans vont avoir de la vitamine A, tandis que les enfants âgés de 1 à 14 ans vont avoir de l'albendazole, comme ça se voit dans un communiqué sorti par le médecin directeur de la province sanitaire de Bouvanza, appelant la population, surtout les femmes enceintes et les enfants, à répondre massivement à cette campagne. Les femmes enceintes de 4 mois à 9 mois vont également avoir des médicaments contre les verminoses et les enfants de 18 mois à 23 mois seront vaccinés contre la rougeole et la rubéole selon le même communiqué. Cette semaine dédiée à la santé mère-enfant commence après les enquêtes effectuées la semaine passée où les animateurs de santé communautaire ont collecté tous les chiffres des enfants non vaccinés. Docteur Joël Wigirimana, médecin directeur de la province sanitaire de Bouvanza, appelle toute la population ciblée à répondre présent à cette campagne, l'objectif étant de dépasser 80% pour tous les antigènes prévus. Spécialitas Kabanyana, Bouvanza, Radio Isanganiro. Santé toujours, les cas de malades de paludisme dans la province Karusi sont en augmentation depuis la première semaine de cette année en cours. Le médecin provincial, le docteur Leonidas Nzisabila, affirme que ses effectifs ont triplé et atteignent aujourd'hui 17 000 cas confirmés. Il demande à la population de se rendre au centre de santé les plus proches dès les premiers symptômes de malaria et confirme également que les médicaments sont disponibles en quantité suffisante. Blaise Pascal Kararoumié pour plus de détails. Le médecin provincial de Karusi confirme l'augmentation des effectifs des malades de la malaria depuis le début de cette année en cours 2019. Dr. Ondas Nzisabira indique qu'à la première semaine de ce mois de juin en cours, la province sanitaire a enregistré 17 058 cas de malades, alors que dans les conditions normales, on enregistre entre 5 000 et 6 000 cas de paludéens par semaine, explique-t-il. Le médecin provincial signale que le district sanitaire de Nyabikere enregistre actuellement plus de cas de malades de la malaria, arrivant à 9 415 cas, et le district sanitaire de Buhiga, 7 643 cas. Il fait indiquer qu'en mars, c'était la population du district sanitaire de Buhiga qui était plus menacée, avec un effectif approchant 10 000 cas de paludéens, à lui seul, et particulièrement les communes de Buhiga et Gitaramuka. Il indique qu'avec les partenaires qui aident dans ce secteur, ils ont pu rabaisser les effectifs et déplore le renversement de la tendance actuellement remarqué. Le médecin provincial indique être déjà à l'œuvre pour lutter contre cette endémie de la malaria et signale avoir déjà mis en place la semaine passée des cliniques mobiles dans les localités les plus touchées du district sanitaire de Nyabikere. Confirmant que les médicaments antipaludéens sont disponibles et en suffisance, le médecin provincial demande à la population de chaque fois se diriger vers les structures de santé les plus proches chaque fois qu'ils soupçonnent les symptômes de la malaria et ensuite, suivre les conseils des agents de santé et utiliser convenablement les moustiquaires qui leur ont été distribués. Depuis Karusi, Blaise Pascal Kararoumié pour Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Certains habitants de la commune Nyabiraba en province de Bujumbura disent être préoccupés par les actes d'intolérance qui commencent à prendre une allure inquiétante dans cette commune. Ils le disent après que la permanence provinciale du parti CNL érigée en commune Nyabiraba a été incendiée par des inconnus la nuit de samedi 15 juin à dimanche. Agathon Rwasa, président de ce parti, déplore cette attitude et demande que les auteurs soient sanctionnés. Toutefois, Ferdinand Simbana Niyé, administrateur communal de Nyabiraba, rejette l'existence d'intolérance politique dans sa commune. Aimé Richard Niyongourou. Ces habitants affirment que la cohabitation pacifique entre les partis politiques de cette commune est au stade agonisant vu les actes d'intolérance qui commencent déjà à se manifester, réduisant en cendres la permanence provinciale du parti CNL érigé en commune Nyabilawa. Pour ces habitants, les politiciens devraient avoir un esprit de compétitivité basé sur les projets constructifs et non destructifs. Le président du Congrès national pour la liberté, qui s'est rendu sur les lieux l'après-midi de ce dimanche, réclame justice conformément à la loi. Quant aux administratifs locaux, Agaton Rwasa leur recommande de respecter le prescrit de l'ordonnance ministérielle sur les partis politiques agréés au Burundi. La première tentative a été déjouée. Il y a eu l'intervention de quelques policiers qui ont tiré en l'air et qui ont empêché que ces criminels puissent incendier ce bureau-là. Nous avons appris que le projet continuait et nous avions alerté et avant-hier ça n'a pas pu avoir lieu. Mais voilà qu'hier, quand bien même il y avait certains de nos militants qui avaient choisi de passer la nuit là pour sécuriser l'endroit, le commissaire de police en commune Nyabilawa les a plutôt emprisonnés et après ces malfrats sont passés à l'acte, ils ont incendié. Maintenant, on se demande quel est finalement le rôle et la responsabilité des autorités administratives et policières ici, dans cette localité. Je pense qu'il faudrait que l'autorité compétente puisse prendre des décisions conséquentes. L'administrateur de Nyabilawa dit que la cohabitation pacifique est au bon fixe entre les partis politiques malgré les incidents. Ferdinand Simananiye appelle plutôt les hommes politiques de sa commune à vivre ensemble dans leur diversité. Les gens doivent cohabiter. Les gens doivent comprendre que leur différence ne peut pas être à l'origine du malentendu, mais que plutôt ça devait être un couronnement, que ça devait être un bénéfice pour ce bénéfice. Et aussi qu'ils puissent attendre au moment venu des élections de 2020 où la population va juger et donner la place à chacun qui mérite. La permanence provinciale du parti CNL en province Bujumbura, incendiée la nuit de ce samedi 15 juin 2019, devrait être inaugurée ce dimanche 16 juin 2019, comme le confirment les responsables de ce parti. Aimé Richard Niyonguru, 8500 dollars américains, c'est le montant nécessaire pour faire soigner Ange Gateka Eunice, âgé d'une année et souffrant d'une maladie cardiaque. Nakirutimana Evelyne, la mère d'Ange, lance un cri d'alarme au bienfaiteur pour qu'il puisse lui venir en aide et pour sauver la vie de son enfant. Ornella Mucho. Ange Eunice Gateka, un nourrisson d'une année seulement, respire grâce à l'oxygène de l'hôpital Roi Khaled. Sa croissance est anormale, comme les médecins le disent, parce qu'elle pèse 3 kg 600 g à une année. Sa mère, Nakrutimana Evelyne, indique que son enfant est hospitalisé depuis sa naissance. La mère d'Ange Gateka fait savoir qu'elle a contacté différentes associations qui prennent en charge les enfants souffrant de la maladie cardiaque, mais en vain. Elle demande à toute âme charitable de lui venir en aide. Nakrutimana Evelyne, la mère d'Ange Gateka, indique que celui ou celle qui voudrait lui venir en aide pourrait la retrouver au Roi Khaled, chambre numéro 203 en pédiatrie, ou bien la contacter sur le 79-30017 et ou le 79-126-708 qui est en même temps un compte EcoCash. Elle donne également son compte bancaire à la poste qui est le 38-30. Merci Ornella Mucho. Et en bref, plus de 2400 militaires candidats sous-officiers et militaires de rang, toutes catégories confondues, ont été définitivement incorporés dans la Force de défense nationale du Burundi ce lundi. Le lieutenant-général Prime Niyongabo, le chef de cette force, la FDN, appelle les nouveaux venus à observer à la lettre les piliers de ce corps, parmi lesquels la loyauté et la neutralité politique. On parle maintenant en actualité, en bref, internationale, et ça parle aussi du Burundi. En France, une pétition réclame qu'un lycéen burundais puisse passer son baccalauréat à la rentrée. Ralph Uwizeyimana, arrivé dans l'Hexagone en novembre dernier, scolarisé dans un lycée de Sarreguemines, a été expulsé un mois après ses 18 ans. Et à quelques jours du bac, est placé dans un centre d'accueil en Belgique. Le jeune homme était admis à la faculté de Nancy en licence de mathématiques et informatique appliquée aux sciences humaines et sociales. Les camarades de classe et professeurs de Ralph Uwizeyimana, qui le reconnaissent comme un élève très sérieux et appliqué, ont formé un comité de soutien. Dimanche, en fin d'après-midi, la pétition avait recueilli plus de 13 000 signatures. Sachez qu'en France, quelques 743 000 lycéens s'apprêtent à plancher ce lundi 17 juin sur l'épreuve de philosophie, mais comme je viens de le dire, pas Ralph Ouizé Iman. Place maintenant à la chronique sportive. Radio Isanganiro, chronique sport. On parle de l'athlétisme qui trouve son origine en Grèce. Et c'est un art de dépasser la performance des adversaires en vitesse et en endurance. C'est l'explication que donne le directeur national technique au sein de la Fédération burundaise d'athlétisme. Silver Senguiyumva ajoute que les fondateurs de cette discipline avaient l'ambition de mettre fin aux conflits perpétuels et interminables qui s'observaient en Grèce avant la naissance de Jésus-Christ. La chronique sportive avec Léonce Vitaliou. L'athlétisme est un sport qui est pratiqué mondialement selon Silver Senguiyumva, le directeur national de la Fédération burundaise d'athlétisme. Il précise que cette discipline a évolué avec le temps et la mentalité des gens. L'origine du mot athlétisme vient du grec atros, qui signifie combat. Il s'agit de l'art de dépasser la performance des adversaires en vitesse ou en endurance, en distance ou en hauteur. Les épreuves d'athlétisme individuelles ou par équipe ont varié avec le temps et les mentalités. L'athlétisme est l'un des rares sports universellement pratiques, que ce soit dans le monde amateur ou au cours de nombreuses compétitions de tous niveaux. Il faut aussi mentionner qu'il y a aussi des professionnels qui le font sur fond pécunier. Donc, il faut aussi savoir que l'athlétisme est un sport facile à pratiquer. On peut entraîner un athlète comme ça sans beaucoup de matériel. Ça a facilité aussi la vulgarisation et la mondialisation de ce sport. Silver Senguiyumva renseigne que l'athlétisme a pris naissance en Égypte après des confrontations perpétuelles qui se manifestaient dans ce pays du Maghreb avant la naissance de Jésus-Christ. Je voulais aussi signaler quelque chose de très important. En pensant aux valeurs qui sont véhiculées par ce sport, l'athlétisme. C'était en 776 avant Jésus-Christ, un roi parmi les principautés, je vais dire les états qui faisaient la Grèce antique et qui étaient constamment en guerre. Il y a un roi d'élite qui a pris l'initiative de penser, de dire, mais comment est-ce qu'on peut arrêter ce carnage, comment est-ce qu'on peut arrêter ces conflits perpétuels et interminables? Il est allé voir un autre roi très puissant pour lui demander qu'on puisse organiser les Jeux Olympiques. Ils ont vraiment mis une entente, une sorte de contrat pour aussi décréter la trêve olympique. L'athlétisme a été suspendu pendant de longues années pour être initié de nouveau en 1894 par Pierre de Couverteur, de nationalité française. Silver Senguiyumva fait savoir que les fondateurs d'athlétisme s'étaient assignés comme objectif principal la restauration de la paix et la réconciliation dans le monde. Dans la prochaine chronique sportive, l'on vous parlera de comment est pratiqué l'athlétisme selon les stades et du système de comptage des points. Léonce Vitaliou, c'est sur cette chronique sport que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques qui m'ont aidé à le réaliser. Un bon après-midi à tous.